Je suis encore épuise. Je tiens à peine dans mes souliers. Mais je me suis éclatée à chanter, boire et danser. Je vais prendre un bon café. C'est le café stylité. J'essaie de pas trop bouger. Le cerveau en train de flotter m'empêche de stabiliser. Assez lourd de se diriger. Il me faut vite un café. C'est le café mérité. Ça me fait marrer quand j'ai le cerveau embué. Je délire sur le café, café noir pour gens grisés. Je peux pas m'en empêcher, c'est un peu ma tasse de thé. C'est comme ça que je prends mon pied noir comme le café, nettoyeur de fin de soirée.